que es el momento habitual un nuestro convidado de hoy, que saber Matín, que hay que trabaja en la radio Culturas Nostos y que es parte de los organizados de Badum 48, lo de Suisse Musical. Donc avec ce way qui va me parler de Suisse Badum 48, qui est une des Suisses qui existait déjà fin finale, qui est la 13e édition, qui n'a pas dû de l'idée d'Abia une tao des Suisses. En fait, ça va être la, si on considère les trois premières, ça va être la 4e édition. C'est parti d'une idée en 2017, je crois. En fait, je regardais des vidéos sur YouTube et je suivais un compte, une chaîne YouTube qui s'appelait Post Process, qui parlait de jeux vidéo, mais d'un côté très technique. Et ils avaient participé à ce qu'ils appellent dans le milieu une game jam. Et l'idée, en fait, c'est exactement ça, c'est que ils se réunissent en groupe. Donc, il y a des développeurs, des gens qui sont sur le son, des gens qui vont être à l'animation, etc. Et on leur donne un thème. Et ils ont, bon, selon la game jam, entre 24 et 72 heures en général pour créer un jeu. Alors généralement c'est un petit niveau, un truc assez assez sommaire et parfois il continue quand ça marche bien. Et du coup j'avais vu ça et j'avais beaucoup aimé l'ambiance, c'est-à-dire d'un groupe de copains qui se réunissaient dans un appartement pour faire ce qu'ils aimaient avec pas mal de bêtises. Voilà, dans cette vidéo-là, on les voyait faire tout leur son avec juste un micro et faire tous les sons à la bouche. Ils avaient fait un jeu vidéo sur Godzilla, en gros, qui casse des trucs. Et donc, tous les cris de Godzilla, tous les immeubles qui s'effondrent et tout, ils avaient tout fait à la bouche et j'ai trouvé ça hyper, hyper rigolo. Et j'aimais beaucoup cette ambiance. Et du coup, on était dans un moment de réflexion à la radio. C'était à l'époque où je travaillais pour Goulet Ratia. Moi, j'avais une émission qui s'appelait Isho. Donc tais-toi ou silence. Et du coup, pour les 35 ans de la radio, je crois que c'était les 35 ans, on se posait des questions sur, tiens, faire des événements, tout ça. Et du coup, voilà, était venu de là l'idée d'essayer de réunir des gens aussi autour de la musique. Donc, moi, j'aime bien l'idée de création dans la musique. C'était une époque où, même au Pays Basque, on mettait beaucoup en avant les groupes de reprise. Et moi, je suis très, très pour la création pure, etc. Et j'aimais bien l'idée, moi pour moi déjà, de me dire, tiens, je vais me réunir avec des copains dans le week-end, passer 48 heures à écrire ben, soit une bêtise, soit non, selon ce qu'on a envie de faire. Et donc l'idée était venue de là. Voilà, on avait laissé 48 heures, histoire qu'il y ait un peu de marge, que certains pouvaient que le samedi, d'autres le dimanche, etc. Mais en vrai, si on était un petit peu psychorigide, en 24 heures, c'était jouable, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura du purement d'incao 13 mars qui arrive? Donc, qu'est-ce qu'on créa, qui pouvait créer une ou un mantu scansus? Là, l'idée, c'est de créer une chanson. Si ce motif en faire plusieurs, c'est jamais arrivé, parce que c'est vrai que, en fait, je pense qu'on met tous nos efforts, toutes nos idées dans une chanson. S'ils veulent en faire plusieurs, c'est absolument possible. La dernière fois, je me posais la question de, et si quelqu'un veut participer dans plusieurs groupes, c'est jamais arrivé non plus, mais y a rien de spécifié dans les règles, et moi, personnellement, je vois pas de problème à ça, pourquoi pas. Mais non, l'idée, c'est vraiment juste de se réunir entre amis, de faire de la musique pendant autant d'heures que c'est possible, oui, quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on crée, mais qu'est-ce qu'on peut tout utiliser simple. Ben en fait, ça c'était aussi quelque chose de, pour éviter de trop limiter. Il y a pas mal de groupes. Ben là, j'ai interviewé Québec il y a quelques semaines et lui il fait du rap, et dans le rap par exemple, il y a quand même pas mal de compositeurs qui utilisent des samples. Et ça m'embêtait de devoir limiter ça. Donc l'idée, c'est avant tout de pouvoir créer de la musique, de créer sa propre musique. Mais si ben, par habitude on le fait avec des samples, il y a pas de raison d'interdire ça non plus. Donc c'est une des façons de créer de la musique. Donc je vois pas l'intérêt d'interdire ça. Cela dit, quand même, l'intérêt avant tout, c'est de parler en basque ou en occitan. Voilà, si c'est juste pour piquer des, c'était pas vraiment de piquer des samples de voix pour avoir des voix déjà faites, mais plutôt dans la musique, quoi. Qu'avait créé un taus joens communo qui ne connaissent pas le site Discord. Un spot explica, donc avait créé un forum, un tas d'acquestes des Suisses. Je connaissais pas beaucoup non plus. J'ai demandé conseil à une amie. Je cherchais un endroit en fait pour que les gens puissent se réunir entre eux sur Internet, parce que bon, entre le Pays Basque, l'Occitanie, la Gascogne, tout ça, ça fait quand même des gros territoires. Et l'idée, c'est que on puisse se réunir entre musiciens qui ont envie de participer, parce que c'est déjà arrivé qu'on me dise, bah écoute, moi je suis chanteur guitariste, mais tout seul je me sens pas de le faire, ou juste batteur et une batterie tout seul on s'emmerde vite. Et puis il y en a qui sont techniciens et pas d'autres, etc. Et vu que l'idée, c'est aussi de réunir déjà les musiciens, des musiciens entre eux, c'est aussi de réunir les Basques et les Occitans, donc autant mettre en place un forum. L'idée, c'est parti d'un truc un peu à la Blablacar, c'est-à-dire que moi, je peux faire ça, toi, tu peux faire ça, on essaie de se réunir. Et comment on fait pour se trouver? On a juste créé un site, donc Discord, il suffit d'aller sur le lien. Je ne sais pas s'il faut s'inscrire, je crois que sur le PC, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Sur le portable, il faut télécharger l'application, il me semble. Et à partir de là, il y a trois petites sections. Donc, la première section, c'est pour discuter, pour trouver des gens avec qui faire ce projet. Là, d'ailleurs, il y a déjà un petit groupe qui est en train de se créer là sur Discord. Deux personnes qui ont discuté en tout cas, et je pense que ça a donné un projet. Mais ça peut être à deux, ça peut être à plus. Il y a une autre petite section où les participants peuvent donner les liens de leur vrai groupe, entre guillemets, parce que si on est parti pour seulement 48 heures, on peut aussi se permettre de créer un groupe seulement pour ces 48 heures, pour tester des choses, pour se dire, tiens, j'ai jamais fait de bachata, je vais faire de la bachata. Donc pourquoi pas. Et un troisième, voilà, une petite troisième section, juste pour si on a des doutes sur le règlement, si voilà, est-ce qu'on peut faire plusieurs chansons, est-ce qu'on peut être dans plusieurs groupes, poser la question, et puis comme ça on va vous répondre. Kuro bendra ma jube pasturello bolina dadin soli kuro bendra ma jube pasturello men fau de la ghi leu sezana domul zelas bakos bleu cesare stado veur in cap de lach bleu fa la montagnacce d'empei che l'esperir in un bilace cura bendra ma giù be pasturello molinata di soli cura bendra ma giù be pasturello men fau di laghi bleu. Si passa ciò dins lus bosques esperi che lus lup non pas facin repais o cin malir che serio esiau che la buglio mancia nun pasam las arbos masam d'amore de pa cura benda a giube pasturello volinata di soli cura benda. Ma giù be pasturello, men fau di laghi leu. Lu drag li prometed, mai che so che li prometio. Esperi capaggia usante s'accord no du lento. Mai pas jamai agut fisanso e na quel cipe. Dintros leu leu se dintres, dintros leu leu se dintres. Hai poggia mai a good fisanzo e na quel tipe dintros leu leu se dintres dintros leu leu se dintres cura benda ma giù be pasturello molinata di soli cura benda ma giù be pasturello men fau di laghi. Thank you. urelo Boli nada din soli kura bendra A jube pas tu relo Men fau de la gui Qui sorti d'entene à la canta cour bendra du groupe Feramia. Anem caritouam detir l'unuste combida du dia matin. Il y a un site où on pouvait aller trouver justement le règlement. Il y a un site qui s'appelle, donc c'est sur Linktree. Alors c'est Linktree, linktr.ee pour faire Linktree, / Badum, BADUM 48. À partir de là, on peut accéder donc soit au règlement et à l'inscription en gascon ou en basque. On a donc le lien vers ce Discord pour discuter, trouver des gens, etc. Et après, en dessous, j'ai mis quand même les liens vers les trois premières éditions. Voilà, j'ai pas pu mettre les sujets des éditions parce que c'était un peu compliqué. Mais de toute façon, il y a que les basques qui comprendraient. Et oui, Ramon n'a pas expliqué à quoi il y a eu thème à cada édition. Il y a eu thème imposat qui est à quoi des Suisses. Ouais, c'est ça. Il y a un thème imposé. L'idée, c'est d'avoir une direction plus que c'est une contrainte, mais c'est pas très contraignant non plus. L'idée, c'est vraiment juste de donner une direction. À partir de là, on peut aller dans beaucoup de directions différentes. Pour exemple, la toute première édition, c'était aujourd'hui, virgule, je suis un super héros. Il y en a qui ont fait une rencontre d'amour entre un super-héros et une super-méchante. Il y en a qui ont fait un truc très politique où en fait le super-héros c'était un flic qui tabassait des manifestants. Il y en a qui a fait un espèce de super-orgasmo, un super-héros de l'amour, quelque chose comme ça. Et du coup le sujet c'est vraiment donner une direction et après on peut aller dans plein d'endroits différents. On peut faire quelque chose de très drôle, quelque chose de très sérieux, de triste. On peut parler de vraiment de choses. Et donc là, le sujet, on va le donner le vendredi soir, donc le 1er mars à 20h. Et on devra nous renvoyer le dimanche soir à 20h la chanson avec les paroles et qu'on mettra ensuite en ligne. Et alors, à Caisse des Suisses, donc l'objectif qui est d'encourager la création musicale, comme disait Bess, qui ne supporte la création musicale en basque actuellement? Actuellement, ça se passe pas trop mal. En fait, on peut le voir de façon très très différente. Moi, je le disais, c'est vrai que dans les années 2000, je sais pas entre 2010, peut-être à partir de 2015 jusqu'à 2020, il y a eu pas mal de groupes de reprises qui étaient très mis en avant, que moi je trouvais pas forcément très intéressant. Ou souvent, c'était juste une guitare, on prend la chanson et bon, c'était sympa, mais c'était pas très intéressant musicalement. En parallèle, il y a une scène très, comment dire, mainstream. Qui s'est développé au Pays-Bas, quelque chose d'un peu à l'américaine, avec des vrais stars, mais qui durent pas très longtemps. Et puis après, il y a toujours eu au Pays-Bas le côté underground, avec beaucoup de rock, beaucoup de musique un peu plus expérimentale ou extrême. Ça a toujours été là et je pense que ça sera encore là pendant longtemps. Mais c'est vrai que depuis le Covid, finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de regain d'intérêt aussi. Je vois des groupes qui chantent en basque avec des chanteurs ou des chanteuses qui parlent pas forcément hyper bien basque, mais qui ont envie de faire l'effort. Et donc ça, c'est hyper encourageant. Et puis, du coup, dans des styles assez différents, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une espèce de diversification de styles dans les groupes qui marchent vraiment bien. Ouais, il y a des groupes très, très, très rock qui marchent vraiment très bien, des groupes électro, des groupes très, très pop. Il y a du rap qui commence, bon, ça fait un moment qu'il y a du rap, mais qui commence vraiment beaucoup à marcher. Et en ce moment, c'est vraiment pas mal, je trouve. Ta tourna sous le subject du Desfis, avec Zembei, des Pandil ou Desfis à d'autres langues régionales? Pour l'instant, vu que nous à Radio Culture, on est en français, en basque et en occitan, donc on est parti sur le basque et l'occitan en priorité. Dans l'idée, l'idée c'est absolument pas de se dire on va faire ça juste nous. Après, c'est aussi une espèce de galop d'essai. On va voir comment ça prend, comment ça reprend au Pays Basque, comment ça prend en Gascogne, en Occitanie. Mais après, dans l'idée, pourquoi pas intégrer des Catalans, des Bretons, des Corses, des Galiciens, des Kanaks, j'en sais rien. Mais dans l'idée, oui, c'est aussi d'encourager les gens, comme je le disais, à créer dans ces langues-là, qui sont parfois un peu éloignés de la musique moderne, et aussi de finalement créer des ponts entre nous, parce que moi le premier, quand je suis arrivé à Radio Neuculture, ayant pourtant une grand-mère qui parlait gascon, Ben, je connaissais pas beaucoup le monde musical gascon. Les Bretons, je connais les classiques Ramoneurs de Menhir et trois trucs comme ça, mais je connais pas grand chose. Et je suis certain qu'il y a plein de gens hyper talentueux un peu partout. Et le but, c'est pas tant de faire connaître les groupes pour les faire émerger, parce que de toute façon, là, l'idée, c'est aussi de créer des groupes éphémères. D'ailleurs, jusqu'ici, je crois qu'il y a un seul vrai groupe qui a participé. Je crois que tous les groupes et tous les autres groupes étaient des groupes éphémères créés pour l'instant. Et c'est ça aussi qui était très intéressant. Mais l'idée, c'est peut-être de créer des ponts entre tout le monde et de me dire, tiens, demain, moi, j'ai mon groupe. Tiens, j'ai rencontré un rappeur qui chante en breton et j'aimerais bien faire un truc avec lui. Et du coup, ben, je vais faire un truc avec lui. Et l'idée, c'est de faire des ponts entre les cultures plutôt que de mettre en avant les groupes, même si, que je le disais dans le Discord, il y a la section aussi pour faire la pub de nos propres groupes pour qu'il y ait quand même un petit peu d'intérêt, quoi. Écoute, merci, Herr. Et t'as clavé l'interviste, Kayembeye, d'être demanda. Est-ce que tu peux me donner une chanson d'un groupe basque et une chanson d'un groupe gascon que tu aimerais entendre? Comme je le disais, il y a un seul groupe, un seul vrai groupe, entre guillemets, en tout cas qui s'est pérennisé après le défi qui existe. Donc c'est Aosakil Connection, c'est un groupe de Versailles à peu près, qui fait du gros punk méga vénère, et ils ont appelé leur album Kishulabé, qui était le nom de la chanson avec laquelle ils avaient participé au défi. Donc je suis un petit peu obligé de les citer et leur rappeler que le défi arrive et qu'ils sont toujours pas inscrits. Il y a ça, et de l'autre côté, ben, les Gascons, bon, je vais taper dans du classique maintenant, je crois, mais un des groupes qui m'a fait rapprocher de la culture gasconne, c'est Boisson Divine, que j'ai découvert en 2020, je crois. C'est un copain qui m'a fait écouter ça, et ça m'a rappelé mes petits amours de jeunesse, à savoir le folk metal, voilà, que j'écoutais beaucoup, de Magodeus, tout ça. Et Boisson Divine, ça m'a beaucoup rappelé ça, mais en mieux foutu, je sais pas, il y a pas le coup de vieux que j'avais quand j'écoutais Magodeos. Je trouve ça vachement bien foutu. Je crois que j'ai écouté le troisième album, la Haya, je sais pas, pendant un mois et demi non-stop. Et j'aimais beaucoup la troisième chanson, je sais plus. Soukami Estelet, Estelat. Très heavy dans un refrain très très heavy. Qui joue la veille?